les ailes, de l'oxygène en bouteille, du vent mou sans musique dans des tubes cathodiques, du soleil en photo, plein d'espace dans nos petites autos. Et puis des poussières, poussières russes, des singes savants et leurs puces qui nous feront tôt ou tard des mémoires sans histoire. Sans bouger le cul, la selle de la liberté virtuelle. Et puis du nickel pour oublier les appels. Des rubans, des tissus pour oublier nos tissus. Des secondes qui filent, du mauvais coton carine. Faudrait ça. Il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Il faudrait juste toi et encore, encore toi. Des miroirs pour faire croire qu'on est sage comme des images et des rêves synthétiques. Pour révolution platonique, du nickel pour qu'on paye le miel du vol des abeilles. Et puis des drapeaux pour qu'on morde d'autres instruments à cordes, à verrou, à silex, du moment qu'on tu nous vexes. Des pipelines d'aspirine qui ne suffisent plus qu'à rire. Ça. Il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Il faudrait juste toi et encore, encore toi. Du nickel plein les ailes, de l'oxygène en bouteille, du vent mou sans musique dans des tubes.